qui mangent pas de porc. Toujours aussi hardcore, avec cardio, petite couille, comme si t'es hard side. Toujours la même chose, en fait, les retrouvailles sont scoopées que je pose. Du crew de malade qu'on appelle déjà mort. Hulk l'a déjà dit, sur CD et sur scène. Ici c'est Auschwitz, même si c'est pas Auschwitz. C'est flippant comme la Gestapo au Veldiv. J'ai la rime qui en chope plus d'un, mais ça c'est pas le plus dur. Le plus dur c'est le manche le matin. Et ce putain de futur qui me fait flipper. Comme un radar au bord de la route quand j'accélère. À la sortie des stands comme Schumacher. Bref, tu m'as compris. J'reste toujours actif, toujours dans le speed, toujours dans le vif. Pas le temps de se branler. L'horloge tourne, le temps s'écoule, la vie t'attend pas. Contrairement à la mort qui te lance un appel, t'entends pas. C'est que t'as les oreilles bouchées comme une chatte par un temps pas. T'entends de pêche, relax, mais là c'est la guerre dans ma tête. J'ai le cerveau en fait que ça ressemble à l'Irak. Partout j'entends un deck, mais y'a personne, c'est comme pour gendarme. Paranoïaque, penserait sur même si 4, 7 putain de life est souvent plus stressante que le film de Hitchcock. Les anciens disaient t'es chiche mec et l'affaire était dans le sac. Dans le sac. Les temps changent, les expressions avec, mais ce sent toujours la même merde. Ouais mec, alors un deck. Cousin, fais putain d'instru, on vient par causer. Rap nerf, on déboule des dégâts, on va causer. Cousine, ça c'est pas du rap, c'est du ouzi. On bousille, comme dans les rues de Compton, ça fusille. Passe un rapport dans ta BM, criminel sur le BPM. C'est pas la musique que les BPM. Ça te fait kiffer comme les dernières TN. Ouais rappeur, t'as envie de pleurer, vas-y retiens ta haine. Dangereux featuring, les balles tringues ont des featuring. Ils sont drôles comme un boxeur qui s'enfuit du ring. Ouais imbécile, c'est déjà mort qui t'enterre. Tu veux nous mettre à genoux, même pas la peine de tenter. Longtemps, secoue ta tête comme une série de coups de boule. Pour la patate, c'est pas du rap, c'est du Red Bull. Ah y'a bon ça, c'est du bon rap de ma boule. Pour les chiens et les chiennes, secoue ton cul ma belle. Attention avec notre son, y'en a pour tout le monde. Le molard vient cracher sur ce qui est plus immonde. En somme réveille tous les somnambules, les endormis de la vie. J'en vois toujours ma haine pour les putes et leurs fistons. Si tu veux percer, tu dois le savoir, il faut du piston. J'aimerais bien être le parent de ta plein fiston. Non, ici c'est le molard et c'est le lieutenant. Est-ce que tu le sais? Autant surveiller, écouter que les paroles de l'imam d'une mosquée. Ils enregistrent des chiffres, analysent tout ce qui est proscrit. Décrit avec ma plume tout ce qui est pourri. Track et troqué, traque sur ce track. Ça incise et t'aime as, ça fracasse comme une RS6 en pièce dans une casse. Ceux qui chisent, un chivas sans une caillasse de glace. Comme une droite dans un rythme que l'arbitre prend en pleine face. Un pionnier dans une caisse et une vitre qui se casse. Mes textes s'effacent sur l'instru et laissent place à la réflexion. Médite sur ce qui se passe et pose-toi les bonnes questions. Pour ma part, je reste le même, fidèle à mes amis, ma famille, à moi-même. Sur scène, même toujours le même combat. Sur scène, depuis nos premiers jours, c'était la vendetta. Avec la même rage qui nous entoure, mes potes se voient sans rage, rime cale. Les cibles restent criblées par les éclats. Comme mon fils peut tuer un paquet de sable, les petits lus. Je sais, ça a rien à voir, mais il me fallait la caler dans ton cul. Cette rime décalée à ton insu, tu peux te la carrer là où ça pue. Un jour, je rappelle avec mon cul, demande à Jim Carrey. C'est du déjà vu, non, du déjà mort. C'est pour toi, trou du cul jusqu'à ta mort. Ouais. Wesh cousin, cette putain d'instru on vient par causer. Rap nerf on déboule des dégâts on va causer. Cousine, ça c'est pas du rap, c'est du ouzi. On te bousille, comme dans les rues de Compton ça fuse. Wesh cousin, cette putain d'instru on vient par causer. Rap nerf on déboule des dégâts on va causer. Cousine, ça c'est pas du rap, c'est du ouzi.